Je prends toute la place. Je ne laisse pas de place, oh non, je ne laisse pas. C'est trop pour improviser. Oh yeah. Je prends toute la place. Ne laisse pas de place. C'est trop pour improviser. Je prends toute la place. Il prend toute la place. Je ne laisse pas de place. Je ne laisse pas. prend toute la place. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'état que j'ai? Laissez-moi, je tape sur les cordes. Pas de place, tape sur les cordes toute la soirée. Je ne laisse pas de place, laissez-moi poser tranquillement. Je ne laisse pas de place, même si je prends toute la place. Je prends toute la place sur la scène. Coco transgénique. J'envoie le sang, j'envoie tout ce qui vient par la tête. Cyclone. Je suis pas vilain garçon. Mais je ne laisse pas de place, pas de place. On est foutu. Je ne laisse pas de place. Je ne laisse pas de place. Je ne laisse plus de place. Oh, nulle part vous pouvez chercher. Vous ne trouverez jamais. Vous êtes foutu. Je ne laisse pas de place. Change the song, hein? Tu veux changer le son? Eh, vraiment là, je prends vraiment beaucoup de place, hein? C'est comme ça, hein? Nous sommes comme ça. Je ne laisse pas de place. J'ai pas laissé la place, hein? Avoir le son qu'on va te mettre. Je ne laisse pas de place. Ouh, la joie, je ne laisse pas de place. Je ne laisse pas de place. Je ne laisse pas de place. Envoyez le son, vilain garçon. envoyez le son, envoyez le son, vilain garçon. Envoyez le son, envoyez le son, vilain garçon. Envoyez le son. Envoyez le son. Envoyez le son de vie que les gens puissent écouter. Envoyez le son que les gens puissent écouter. Envoyez le son que les gens puissent apprécier. Envoyez le son. J'entends de te moquer, hein? Ça, ça te plaît, ça, par contre. Pas menti, hein? Qu'est-ce qu'un menteur? Je ne laisse pas de place. Je ne laisse pas de place. Je te laisse la place. Je laisse de la place. Je ne laisse pas de place. Puis je te laisse de la place. Je ne laisse pas de place. Ensuite je te laisse de la place. Je ne laisse pas. de la place plus tard. Je ne laisse pas de place. Oh, tu auras de la place plus tard. Je ne laisse pas de place. Je ne laisse pas de place. We'll be right back. la fin. C'est la fin. C'est la fin. J'adore tes effets spéciaux.